فإن نحمد الله سبحانه وتعالى الذي عافانا مما ابتلى الكثير من الناس، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي يسر لنا الصلوات ووفقنا لطالب العلم وللاستماع إلى العلم، فهذه نعم عظيمة كبيرة يجب علينا أن نشكرها. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a permis d'accomplir la prière, celui qui nous a permis d'étudier la science, celui qui nous a permis de l'écouter, et celui qui, même lorsqu'il nous éprouve, c'est pour, ou bien nous prive, c'est pour nous éduquer et nous accorder davantage. Malgré la fermeture des mosquées, nous allons, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et son assistance, poursuivre l'étude du livre Fiqhu Asma'illahi al-Husna, l'étude des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Cheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Et nous sommes arrivés à l'étude des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qarib Al-Mujib. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى القريب والمجيب. وقد جمع الله بين هذين الاسمين في قوله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Qarib ainsi que Al-Mujib. Al-Qarib est celui qui est proche, Al-Mujib est celui qui répond à l'invocation, à la demande. Allah subhanahu wa ta'ala certes unit entre ces deux noms. Dans Sourate Hud, Allah subhanahu wa ta'ala a uni entre ces deux noms dans Sourate Hud lorsqu'il nous dit qu'il a envoyé au peuple de Thamoud, leur frère Salih, qui leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité, c'est-à-dire digne d'être adoré, en dehors de lui. » Et plus loin, il les appelle au repentir, il les appelle à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et à se repentir à lui, puis il leur dit « Inna Rabbi qaribun mujib » Certes, mon Seigneur est proche et il répond à l'appel. La traduction des sens du verset, et nous avons envoyé au Thamoud leur frère Salih qui dit « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui digne d'être adoré. De la terre il vous a créé et vous l'a fait peupler. Implorez donc son pardon et repentez-vous à lui, mon Seigneur est bien proche et répond toujours. » ولم يرد المجيب في غير هذا الموضع. Et sachez que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-mujib, n'a pas été mentionné dans un autre passage du Coran. واما القريب فقد ورد في موضعين اخرين هما قوله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. يوحي أو يوحى. Donc, quant au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qarib, il a été mentionné dans deux autres endroits du Coran, dans Sourate Al-Baqarah, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel, et qu'il croie en moi afin qu'ils soient bien guidés. Ainsi que dans Sourate Saba dit, si je m'égare, je ne m'égare qu'à mes dépens. Tandis que si je me guide, alors c'est grâce à ce que mon Seigneur m'a révélé, car il est audient et proche. Car il est audient, il entend tout et est proche. وقرب الله الذي وقرب الله الذي تدل عليه هذه الآيات هو قرب خاص بالعابدين المحبين والداعين المستجيبين قرب لا يدرك له حقيقة أو لا يدرك له حقيقة وإنما تعلم آثاره من لطفه بهم وتوفيقه لهم وعنايته بهم. نعم. La proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous est indiquée à travers ces versets est une proximité particulière. Une proximité des serviteurs, propre aux serviteurs, pieux, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère, ceux qui l'aiment et l'invoquent, ceux qui répondent à son appel. C'est une proximité dont on ne peut atteindre la réalité, mais elle se sait à travers ses effets, à travers la douceur d'Allah envers ses serviteurs, du fait qu'il leur accorde, du fait qu'il est doux envers eux, du fait qu'il leur accorde la réussite, du fait qu'ils prennent soin d'eux. وَمِنْ أَثَارِهِ إِجَابَةُ لِلدَّاعِينَ. Et parmi les effets de cet attribut, le fait qu'Allah Azza wa Jal réponde à leurs invocations. وَإِثْبَاتُهُ لِلْعَابِدِينَ et le fait qu'il rétribue ce qu'il adore. Comme قال سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Comme il nous le dit dans Sourate Ghafir, et votre Seigneur a dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer. Humilié. وقد ثبت في سنتي أحاديث عديدة تدل على قرب الله عز وجل من عباد المؤمنين وأوليائه المتقين يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ويعطيهم سؤلهم ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. L'auteur, hafidhahullah ta'ala, nous dit, et il a été affirmé dans la tradition prophétique différents ahadith qui nous indiquent la proximité d'Allah Azza wa Jal de ses serviteurs croyants, de ses bien-aimés pieux. Il entend leurs invocations, répond à leurs appels, il leur donne ce qu'ils demandent. En effet, dans les deux authentiques, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim selon Abu Musa Al-Ash'ari, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage. Et les gens se sont mis à élever la voix en prononçant At-Takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc, soyez doux envers vous-même. Vous n'invoquez pas celui qui est sourd, ni celui qui est absent. Vous invoquez plutôt celui qui entend tout et qui est proche, et il est avec vous. Dans les deux authentiques, toujours, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah le Très-Haut, ou bien Allah Azza wa Jal, dit, lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure. S'il vient à moi en marchant, je viens à lui avec empressement. واسمه تعالى المجيب يدل على أنه سبحانه يسمع دعاء الداعين ويجوب سؤال السائلين ولا يخيب مؤمنا دعاه ولا يرد مسلما ناجاه ويحب سبحانه ويسأله العباد ويحب سبحانه أن يسأله العباد جميع مصالحهم الدينية والدنيوية من الطعام والشراب والكسوة والمسكن كما يسألونه الهداية والمغفرة والتوفيق والصلاح والإعانة على الطاعة ونحو ذلك وعدهم على ذلك كله بالإجابة مهما عظمت المسألة وكثر المطلوب وتنوعت الرغبات وفي هذا دلالة على كمال قدرة الله سبحانه وكمال ملكه وأن خزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس وأجابهم في جميع ما سألوه كما في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر رواه مسلم وفي صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه. Quant au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mujib, il nous indique qu'Allah, exempt soit-il de tout défaut et de toute similitude avec ses créatures, entend l'invocation de tous ceux qu'il invoque. Et il répond à la demande de tous ceux qui lui demandent. Il ne déçoit jamais un croyant qui l'a invoqué, ne le rejette jamais, il ne rejette pas un musulman qui le supplie. Allah subhanahu wa ta'ala aime que ses serviteurs lui demandent et s'adresse à lui pour l'ensemble de leurs besoins, que ce soit relatif à la religion ou que ce soit relatif aux choses de ce bas monde. Tels que la nourriture, la boisson, les vêtements, le logement, tout comme il lui demande la guidée, le pardon, la réussite, la piété, la réforme, l'aide afin de lui obéir et des choses semblables. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis pour tout cela de leur répondre. Aussi immense soit la demande, aussi multiples soient les besoins, aussi différents soient les espérances. Et dans cela, il y a une preuve manifeste de la perfection de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son omnipotence, de sa maîtrise et de sa royauté. Cela nous indique également que ses trésors ne s'épuisent jamais et que ses dons ne seraient faire diminuer de ce qu'il possède. Quand bien même il accorderait au premier jusqu'au dernier, parmi les djinns et parmi les humains, en répondant à l'ensemble de leurs demandes, tout comme cela nous a été mentionné dans le hadith, à thème divin, ô mes serviteurs, si du premier d'entre vous jusqu'au dernier d'entre vous, parmi les humains, que vous êtes, et les djinns que vous êtes, si l'ensemble se tenait sur une seule et même place, et que l'ensemble me demandait, et que j'accordais à chacun selon sa demande, cela ne diminuerait en rien de ce que je possède. Cela ne diminuerait en rien de ce que j'ai. Si ce n'est à l'image de l'aiguille, de ce que l'aiguille diminue de l'eau de la mer lorsqu'on lit introduit, rapporté par l'imam Muslim. Et dans le recueil de l'imam Bukhari, l'imam Muslim Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous invoque qu'il ne dise pas, ô Allah, pardonne-moi si tu le veux, mais qu'il soit déterminé dans sa demande, et que son désir soit immensifié. Car certes, Allah ne trouve rien de trop grand pour l'adorer, pour l'accorder. Car certes, Allah ne trouve rien de trop grand pour l'accorder. وقد ورد في السنة النبوية أحاديث عديدة في الترغيب بالدعاء. Et en effet, on trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam différents textes qui nous montrent ou bien qui nous encouragent à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. وبيان أن الله تبارك وتعالى يجيب الداعين ويعطي السائلين وأنه جل وعلا حي كريم أكرم من أن يرد من دعاه أو يخيب من ناجاه أو يمنع من سأله. Ces différents textes nous encouragent à cette adoration qu'est l'invocation et nous démontrent également qu'Allah تبارك وتعالى répond à ceux qui lui demandent et accorde à ceux qui l'invoquent. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a honte et est noble. Il est bien trop noble pour rejeter celui qui l'invoque. Il a honte dans le sens où il est pudique, comme cela nous a été mentionné dans le hadith, lorsque rawahu Abu Daoud wa Tirmidhi wa ghayruhuma an Salman al-Farisi radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يردهما صفرا وفي حديث النزول الإلهي يقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألوني ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له متفق عليه وهو حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة بلغ عددهم 28 صحابيا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est bien trop noble pour rejeter l'invocation et pour décevoir celui qui lui a demandé, s'est adressé à lui, bien trop noble pour empêcher la demande et la refuser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme l'a rapporté Salman al-Farisi, certes Allah est pudique, noble, il a honte de son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui de les lui rendre vide. Et dans le hadith de la descente divine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala descend et ce toutes les nuits lorsqu'il reste un tiers, lorsque nous arrivons au dernier tiers de la nuit, et dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, chaque nuit, lorsqu'il reste un tiers de la nuit, descend au ciel de ce bas monde et dit, qui est-ce qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui accorde? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Rapporté par le Bukhari et Muslim. Ce hadith est un hadith mutawatir, c'est-à-dire qu'il a été rapporté par un nombre tel de rapporteurs que c'est impossible qu'il se soit uni dans le mensonge. C'est un hadith mutawatir. L'a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam un grand nombre de compagnons. Ce nombre a atteint 28 compagnons, radiallahu anhum. وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِ فِي بَيَانِ مَنْزِلَةِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمُتَّقِينَ أن الله تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي أسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. رواه البخاري في صحيحه. Il nous a également été mentionné dans le hadith à thème divin la grande place des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses serviteurs pieux. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le hadith: celui qui cause du mal à l'un de mes rapprochés, celui qui cause du mal, qui combat ou qui déteste ou qui tente de nuire à l'un de mes rapprochés, celui que j'ai rapproché et aimé, je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et il ne cesse, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes recommandés jusqu'à ce que je l'aime. Et dès lors que je l'ai aimé, je deviens ou je serai l'ouïe avec laquelle il entendra, la vue avec laquelle il verra, la main avec laquelle il saisira, le pied avec lequel il marchera. S'il me demande, assurément je lui accorde. S'il cherche protection près de moi, assurément je le protège. Ici, pour la traduction du mot « an-nawafil », on entend souvent, on a souvent entendu, peut-être que nous-mêmes l'avons dit jadis, et on lit également, pour traduction erronée, les actes surérogatoires. Et le terme surérogatoire désigne en langue française l'ajout non nécessaire. L'ajout non nécessaire. Et nawafil al-ibadat, et les actions recommandées en matière d'adoration, on ne peut les décrire ainsi. Car les actes recommandés, après le jugement des actes obligatoires, on dira: regardez, est-ce qu'ils ont des actes, des nawafil, est-ce qu'ils ont des actes recommandés? Et ces actes recommandés vont venir pallier aux imperfections dans les actes obligatoires. Ainsi le serviteur évitera l'enfer, ou ainsi le serviteur entrera au paradis, ainsi le serviteur sera élevé en de gros paradis. Comment est-ce qu'on pourrait dire alors de ces actions ô combien nécessaires et utiles qu'elles sont surérogatoires? Donc c'est un terme à bannir dans ce contexte. Barakallahu fikum. فهذه النصوص وما في معناها تدل دلالة بينة أن الله تبارك وتعالى لا يرد من سأله من عباد المؤمنين ولا يخيب من رجاه، ولكن قد يستشكل في هذا أن جماعة من العباد والصلحاء قد دعوا وبالغوا ولم يجابوا، والجواب أن الإجابة تتنوع. Tous ces textes et ceux qui sont venus dans ce sens nous indiquent d'une manière claire et évidente qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne rejette jamais la demande de ses serviteurs croyants et ne déçoit jamais celui qui a placé ses espoirs en lui. Mais ici, il y a une problématique. Ici, il y a une situation qui pourrait nous poser problème et le shir va l'éclairer et y répondre. C'est qu'on trouve que certaines personnes pieuses et droites ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala avec insistance et n'ont pas vu la réponse. Pour répondre à ce problème ou cette problématique, le cheikh dit que la réponse est de plusieurs sortes. فَتَارَةً يَقَعُ الْمَطْلُوبُ بِعَيْنِ عَلَى الْفَوْرِ وَتَارَةً يَقَعُ وَلَكِنْ يَتَأَخَّرُ لِحِكْمَةٍ. وتارة تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها وقد تدخر له أجرا ومثوبة يوم القيامة. Le Cheikh nous dit, en réalité Allah répond, si ce n'est que sa réponse est de différentes sortes. Elle peut avoir lieu en accordant rapidement, suite à la demande, la chose que la personne a réclamée. Donc la personne fait dua, elle demande une chose. Elle demande une chose. Allah lui donne directement. Ça, c'est le premier type de réponse. Le deuxième type de réponse, c'est que parfois Allah donne la chose à la personne, mais plus tard, pour une sagesse que Allah sait. Il ne lui donne pas directement, mais il lui donne en différé. Il lui donne plus tard. Pourquoi ? Pour une sagesse qu'Allah Azza wa Jal connaît. Troisième type de réponse, Allah subhanahu wa ta'ala lui répond, mais en lui donnant autre chose que ce qu'il a demandé. Pourquoi ? Parce que la chose demandée ne renferme pas le bien pour ce serviteur, n'est pas un bien pour le serviteur. Alors Allah Azza wa Jal lui donne autre chose, et cette chose qu'il lui accorde, dans cela il y aura son bien et sa réussite. Et finalement, une autre sorte de réponse, c'est qu'Allah Azza wa Jal lui garde en récompense pour le jour de la résurrection. C'est-à-dire tout ce qu'il demande, il en aura la récompense yawm al-qiyamah. Et la preuve de cela, ma rawahu al-imam Ahmad wal-Bukhari ou fil adab al-mufrad. La preuve de cela est le hadith rapporté par l'imam Ahmad. Le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, ainsi que l'Hakim et autres, selon Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam, قال, ma min muslimin yad'u bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu allahu biha ihda thalath, imma an tu'ajjala lahu da'watuh, وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر رضي الله عنهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'après Abu Sa'id al-Khudri, il n'y a aucun musulman qui fait une invocation dans laquelle il n'y a ni péché, ni rupture de lien de parenté, sans qu'Allah ne lui donne une de ces trois choses. Soit il l'exauce tout de suite, soit il exauce tout de suite son invocation, soit il lui retarde l'exaucement pour l'au-delà. Soit il le protège d'un mal qui est équivalent. Les compagnons ont dit, ainsi nous devons en faire beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua, Allah en fera encore plus. Allahu Akbar. Lorsque les compagnons ont entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, remplis d'espoir et d'encouragement et de motivation dans le dua, ils ont dit, alors, On devrait en faire beaucoup. On devrait faire beaucoup d'invocations. Naam. Mais quoi qu'on demande, Allah subhanahu wa ta'ala répond. Et Allah subhanahu wa ta'ala est riche. Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Allah subhanahu wa ta'ala est al-hayy alladhi la yamut. Le vivant qui ne meurt jamais. وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ إِجَابَةَ السَّائِلِ فِي سُؤَالِهِ أَعَمُّ مِنْ إِعْطَائِهِ عَيْنَ الْمَسْؤُولِ. Ainsi, nous apparaît clairement que la réponse à la demande de ceux qui s'adressent à Allah subhanahu wa ta'ala est plus générale que le simple fait de lui donner ce qu'il a demandé. وَإِنَّ مِنْ أَثَرِ الْإِيمَانِ بِسْمِ اللَّهِ الْمُجِيبِ أن يقوى يقين العبد بالله ويعظم رجاؤه ويزيد إقباله عليه وطمعه فيما عنده ويذهب عنه داء القنوط من رحمته أو اليأس من روحه. L'auteur, hafidahullah ta'ala, nous dit « On trouve ainsi parmi les effets de la foi au nom d'Allah, el-Mujib, celui qui répond, il y a comme effet le fait de renforcer notre certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'augmenter notre espoir en lui, le fait de nous diriger encore plus vers lui, le fait d'espérer encore plus ce qui se trouve auprès de lui. Cette foi qu'on a, le fait de croire qu'Allah c'est le Mujib et qu'il répond à la demande, à nos invocations, ça renforce notre certitude en lui. Ça augmente notre espoir. Ça nous fait lui demander encore plus, l'adorer encore plus, espérer encore plus ce qui se trouve auprès de lui. Tout comme ça chasse et ça fait disparaître la maladie de el-qunut, du désespoir. Le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. Le fait d'abandonner, le fait de recevoir son secours. Celui qui a compris le sens du nom d'Allah el-Mujib, qui croit en Allah el-Mujib, ne désespérera jamais de la miséricorde d'Allah, ne désespérera jamais de son secours. Allah t'entend, serviteur d'Allah. Allah te répond. Allah aime que tu lui demandes. Le fils de Adam, lorsque tu lui demandes, il n'aime pas. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu ne lui demandes pas, il n'aime pas. Il aime que tu lui demandes. Et plus tu lui demandes, plus Allah aime. Parce que ça montre que tu reconnais que c'est ton maître, ton Seigneur. Que tu reconnais que c'est le riche, le vivant qui ne meurt jamais, le généreux. Ça montre que tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement omnipotent. Et beaucoup d'autres qualités encore d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكيف لا يكون المسلم واثقا بربه الجواد الكريم المحسن وهو سبحانه بيده ملكوت كل شيء فما شاء كان في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر وحكمه سبحانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر أجزاء العالم ذراته وذراته. L'auteur, hafidahullah ta'ala, nous dit comment est-ce que le musulman pourrait ne pas avoir pleinement confiance en son Seigneur, le généreux, le noble, le bienfaisant, alors qu'il est, ou bien alors qu'il possède, qu'il a la royauté, la possession de toutes choses. Ce qu'Allah veut se réalise au moment où il le veut, de la manière qu'il a voulu, sans ajout ni diminution. Sans avance ni retard. Le jugement d'Allah est inéluctable. Il se réalise que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, que ce soit dans les mers, que ce soit dans les airs, dans toute partie du monde, aussi minime soit-elle, le jugement d'Allah Azza wa Jal se concrétise et se réalise. يقلبها ويصرفها أو يصرفها ويحدث فيها ما يشاء. الله عز وجل, c'est lui qui décide de tout ce qui se produit dans les cieux et la terre. C'est lui qui administre le tout. C'est lui qui fait que se réalise ce qu'il veut. له الخلق والأمر, à lui appartient la création et l'ordre tout entier. وله الملك والحمد, à lui appartient la royauté et la louange. وله الدنيا والآخرة, à lui appartient le bas monde et l'au-delà. Wa lahu an-ni'matu wal fadl, À lui appartient le bienfait et la grâce. Walahu thana ul hasan. À lui appartient les belles éloges. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Tabarakallah, Rabbul Alamin. Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, il lui demande. Chaque jour, il fait. Chaque jour, il fait. Tabarakallah, Rabbul Alamin. Voici pour les noms d'Allah, Al-Qarib et Al-Mujib. Nous marquons une courte pause. Puis nous poursuivons l'étude de deux autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir Al-Qahir et Al-Qahhar. Wa sallallahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillah.